Aïe, ça vite, et me voilà paré. Pour un vrai chimérique, le décollage devrait se faire ressentir dans les 10-15 minutes à venir. Ça commence, il fait chaud, les lumières scintillent, les visages autour s'entraînent en multiple de facettes. L'impression d'être un représentant d'un zérumi, d'avoir l'art quand c'est habitant autour de la lettre. Ma vision est tuée, accroulée en fluo. En kiki de la perche, me blanc, alors du disco. Amusé, oh, je n'aurais bien pas moi-même, c'est bien la première fois. J'ai des idées pareilles, il manque ici une mescaline en plus costaud. Ceux qui résonnent les taux, genre comme sous proto. Mais putain, c'est étendu, impossible de lever, je l'ai tourné. Mêlé, l'impression d'être un banquet. De 5 ans en 5 heures, ma sexy est beau. J'ai vécu la vie, la mort et désormais j'ai n'ai plus peur. Ma sexy est beau. Il n'y a pas le temps de découvrir une réalité. Ma sexy est beau. Alors laisse-moi décider au rang du LSD. Au rang du LSD. Fini par me lever, mais tout fout le camp. C'est maintenant qu'on joue dans la cour des grands. La tête balance de droite à gauche. Et mon esprit s'élève d'un monde à l'autre. Sans l'intérêt, je cesse de défiler. En vrai, j'introspectif, des dizaines de questions existantes, c'est fort entre jeux. Et certaines galumeaux, presque je me jure. Par mes arbres, mourir, user, éreinter. Comme à la fin du film, partir, carrément déconnecté. Insensible, j'ai vécu les pires choses, mais les meilleures aussi. En le concrètement, glauque ou réellement macabre. J'suis l'impression qu'il est lent de mort apparable. C'est une lueur qui s'éloigne pour disparaître. Je sens mon esprit se détacher de mon être. Ma sexy est beau. J'ai fait vieillir de 5 ans en 5 heures. Ma sexy est beau. J'ai vécu la vie, la mort, mais désormais je n'ai plus peur. Ma sexy est beau. Il n'y a pas le temps de découvrir une réalité. Ma sexy est beau. Alors laisse-moi décider au rang du LSD. Bon, voilà mon fort intérieur apaisé en lévitation, rayonnant vitalité sérieuse, toute appréhension, une compréhension absolue de la vie, ma vie. Je vais un mix entre mission et extra lucide, me sens à la fois artère et en subit le mur, et coupable et VR comme une putain de couleur. Pour les torturer une crâne de manière médiatique, tout ça boîte comme une étoile dans sa barre. Je vais réagir à ce mensonge ultra-limpide, limite, bateau, basé sur des principes de vie fondamentaux. Je redescends deux heures plus tard, ma musique, quelques mots à mon entourage. Déjà en état, c'est qu'ils avaient du bien en boxe. Les deux gardiens au bord des larmes, en détachant. Tu me tiens en génialissime, à jamais gravé. Tu m'as traumatisé à sachir et surtout, la réalité. Ma sexy est beau, j'ai fait vieillir de 5 ans en 5 heures. Ma sexy est beau, j'ai vécu la vie, la mort, et désormais je n'ai plus peur. Ma sexy est beau, il n'y a pas le temps de découvrir une réalité. Ma sexy est beau, alors laisse-moi décider au rang du LSD. J'en arrive à descendre ce quart d'heure. Dans ça comme du LSD pour gagner plus de l'heure. Ça sur internet, un prix dérisoire. Et un bon as, on est sans prix dans ce meilleur part. Et la voix des conséquences, tu seras conscient. On a vu ça à la meute, un des gamins de 6 ans. Tant que d'un festival, un grand mari. Alors qu'il y a un effet, si tu as une merde d'introduit. Par contre, je pense que cette molécule a des vertus médicinales. On devrait s'en attirer dans la médecine occidentale. Ça les démontre les troubles, l'addiction, phobie. Quand on arrive à faire dans les trucs de l'Amazonie. Moi concernant, j'ai des provoqueurs regrets. Ça sert à faire pour surgir en fait. Y'a des hauts débats, mais même je suis un autre grand homme. C'est complètement pour toi, le 25 c'est oh. Yeah yeah yo, faire chou il représente. Yeah,